J'ignore ce qui m'arrive. Mon âme s'éloigne et dérive. Je ne sens plus battre mon cœur. Ma chair, mon sang, j'ai si peur. Et ces douleurs lacrymales qui coulent et brûlent mes roses joues rendent mon corps bien plus pâle. Je t'appartiens à genoux. Et à l'ombre de ton corps, j'ai trouvé tant de trésors. Splendeur au parfum de mort, me noie dans l'ombre de ton corps. Le temps des seringues est mort, le poison est bien dans le cœur. Je voudrais résister encore, mais je sens la fin du sort. Sans cœur, viatique aux douleurs, empiré de douceur. Je t'aime, tu me fais peur. Abstrus et absurde, tes pensées si rudes me font mal et j'abjure. Je te suis, je te jure. Et à l'ombre de ton corps, j'ai trouvé tant de trésors. Splendeur au parfum de mort, me noie dans l'ombre de ton corps. Le temps des seringues est mort, le poison est bien dans le cœur. Je voudrais résister encore, mais je sens la fin du sort. Grâce à toi, j'étais solide. Ton amour remplissait mon vide. Et je connaissais la splendeur de nos sourires pleins de lueur. Et dans un dernier soupir, entends ces mots jaillir de mon corps plein de tristesse. De ma mort, de ma détresse. Ce n'est rien, tu m'as détruit. Ce n'est rien, tu m'as cru.